Voici maintenant une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose », présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. Deux exorcistes, une possédée, six démons. Maintenant que l'évêque Joseph Stangl a officiellement autorisé l'exorcisme en date du 16 septembre 1975, la lourde machine peut lentement se mettre en branle. Deux prêtres sont chargés de cette mission divine, probablement la plus difficile de tout le rituel catholique. D'une part, le père Anton Ernst Alt, dont nous avons parlé la semaine dernière, et d'autre part, le père Arnold Rentz, un spécialiste des phénomènes mystiques émanés d'une dénommée Barbara Weigand quelques décennies auparavant. C'est le 24 septembre 1975 que se déroule le premier exorcisme. Il y en aura d'autres, bien d'autres. Certains ont avancé le chiffre exorbitant d'une soixantaine. Nous savons que cette première séance se déroule dans une chambre donnant sur l'arrière de la maison, ceci afin de minimiser le risque d'alerter les gens de la rue, car on ne sait jamais ce qu'il pourrait se passer. Trois hommes sont chargés de tenir Anneliese en cas de crise, son père Joseph, le mari de Thea Hein, et l'ami de cœur de la jeune fille, un jeune étudiant prénommé Peter. L'exorcisme débute à 4 heures de l'après-midi et Anneliese dit que le démon se situe dans le bas de son dos. Par moments, elle hurle toutes sortes d'obscénités, mais lorsque la séance se termine vers 21h30, elle déclare aux exorcistes « Vous auriez dû continuer ». Pour le deuxième exorcisme, Thea Hein apporte un magnétophone. C'est ce qui permettra au tribunal de disposer de 42 cassettes d'enregistrement lors des audiences. Les six diables, ou supposés tels, qui habitent le corps et l'esprit d'Anneliese, se présentent successivement et déclinent leur identité, ce qui est une tradition et même une nécessité en matière de démonologie. Il y a ainsi Judas, Caïn, Lucifer, Néron, Hitler et Fleischmann. Ce dernier, seul inconnu de la liste, ayant apparemment été un ancien religieux au comportement hérétique. Aspergée d'eau par les prêtres, la possédée ne se tord de douleur que lorsque cette eau est bénite, ce qu'elle ne peut toutefois pas avoir deviné. Le père Alt l'interroge en hollandais. Existe-t-il un événement familial qui pourrait expliquer ce qui se produit mais qui devrait demeurer secret? Elle répond « Il n'y a rien de ce genre », alors qu'elle n'a jamais appris le moindre mot de hollandais. À d'autres occasions, Anneliese éclate de rire et produit en même temps des hennissements de cheval. Elle sait à quelle heure commence le prochain exorcisme alors que personne ne lui en a parlé. Elle bavarde avec un certain Siegfried, neveu du père Roth, paralysé de naissance et décédé récemment, alors qu'elle ignorait tout de lui jusqu'à son existence. La violence s'incruste petit à petit dans l'esprit d'Anneliese, ainsi qu'une série de comportements d'allure psychotique. Elle mange des araignées, se promène nue, lèche ses sous-vêtements après avoir uriné dedans. Au travers de manifestations d'une forme de folie, Anneliese présente indubitablement certains signes d'une authentique possession diabolique, ce qui va inciter les exorcistes à redoubler d'efforts pour tenter de libérer la jeune fille. Qu'ils soient réellement impliqués ou qu'ils ne soient devenus qu'une obsession, le démon devient le centre de toute la famille et commence même à agresser psychologiquement le père Alt jusqu'à son domicile d'Etleben. Il est de plus en plus évident que le combat, quelle que soit la vraie nature de l'ennemi, ne peut se terminer que par l'anéantissement d'un des deux adversaires. Mais ce n'est pourtant pas comme cela que va devoir se terminer le calvaire d'Anneliese Michel. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose », présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.